Bonsoir, c'est Prog à part, l'émission du rock progressif.

O'Quinn sur Progapa. C'est notre façon à nous de rendre hommage à Lemmy. Et oui, Lemmy, le bassiste et chanteur de Motorhead, a joué avant dans O'Quinn. Donc vous avez pu entendre tour à tour deux extraits du Hall of the Mountain Grill. Hall of the Mountain Grill qui date de 74 et de juste après O'Quinn de 75, un album somptueux qui s'intitule Warrior on the Edge of Time. Voilà pour cet hommage à un grand rocker disparu. On continue cette émission donc de janvier avec un petit cadeau de nos amis de Marillion. Chaque année, ils nous envoient un petit cadeau pour Noël. Et cette fois-ci, un double live qui s'intitule A Monstrally Festival Christmas. A Monstrally Festival Christmas. Et je vous propose un large extrait puisque vous allez pouvoir vous régaler avec Neverland. This is Neverland. Takes me over, face down, emptier than zero, invisible, you come to me, quietly, and you stay beside me, and you whisper, some people think I'm something. Well, you gave me that enough. I always feel like nothing when I'm in the dark alone. You provide the soul, the spark that drives me on, makes me something more than flesh and bone. I want to be, who someone would want to be. Cause I can take it, I can take it, take it. Superbe cadeau de Noël de nos amis de Marillion, un double live offert donc aux adhérents et une version superbe de Neverland. Clin d'œil notamment à Peter Pan. À toute règle, il y a des exceptions. Lorsque, avec André François, nous avons créé Acid Dragon, qui est la version papier de Prog à part, ou Prog à part, la version sonore d'Acid Dragon, nous avions décidé de ne passer et ne chroniquer que les disques que l'on recevait par la boîte postale, par le courrier. Et puis petit à petit, on a fait quelques petites exceptions au gré des coups de cœur des collaborateurs, que ce soit sur Acid Dragon ou sur Prog à part, je pense notamment à l'ami Michel. Là, j'ai fait une petite exception aussi avec Riverside. On m'a dit tellement de bien de cet album, même si je l'ai, même si Acid Dragon ne l'a pas reçu, que je me suis dit, bon, il faut quand même le passer. Beaucoup considèrent ça comme l'album de 2015. Donc, je vous laisse juge avec cet album donc de Pologne, des Polonais de Riverside, un album intitulé Love, Fear and the Time Machine. Tout de suite, Riverside. From happiness

open doors, maskers of free birds, master of the trumpet trade. Il s'appelle Martigan, M-A-R-T-I-G-A-N. Ils sont allemands et cet album est superbe. Distant Monsters, les monstres distants. Voilà, ça vient de sortir sur le label bien sympathique Progressive Promotion Records, qui est un album, qui est un label allemand. Voilà, superbe album, pochette plutôt quelconque, qui fait un petit peu série B, film japonais des années 60. Mais sinon, le reste, c'est tout du même tonneau. On part cette fois-ci en Norvège avec un point de rendez-vous, Rendez-vous Point, un album qui s'intitule Solar Storm. Vous allez voir, c'est déjà un peu plus péchu. Rendez-vous Point, Solar Storm. You're listening to Progapa, the progressive program in Lyon. Un large extrait du fils spirituel d'O'Quinn. Je veux parler d'Osric Tentacles, un large extrait de leur nouvel opus, donc sorti en 2015, les techniciens du sacré, Technicians of the Sacred. Ah, quel plaisir j'ai eu à écouter le retour de cette légende du prog français, avec un album inespéré, un troisième opus qui est sorti donc fin 2015. Je veux parler de Carpe Diem. Carpe Diem, eh bien, ils nous ont fait le plaisir, l'honneur et l'avantage de sortir un superbe album, à mon avis, un des albums phares de l'année passée, puisqu'il vous parlait déjà de l'année passée pour 2015. Un album intitulé Circonvolution, un mélange à la fois de sons plus modernes et de vieilles bandes dépoussiérées, et tout ça, ça vous donne quelque chose de superbe, un troisième opus indispensable à mettre à côté de leurs deux premiers qui étaient déjà des petits chefs-d'œuvre. Si vous aimez Ange et une petite touche de Canterbury, Carpe Diem, c'est pour vous. Je vous propose carrément 11 minutes tout de suite sur le 100.7 et c'est Prog à part, l'émission du rock progressif. Thank you. commence notre récit, tout n'est que paix et silence dans le courageux petit village gaulois. Sol 100.7. We'll be right back. On me dit souvent, Thierry, tu passes pas beaucoup de live. Eh ben, c'est fait, voilà. On a réparé ces petits oublis avec un groupe qui s'intitule Flor de Loto. Flor, F-L-O-R, D-D-E, et Loto comme le loto. Un album double intitulé Méduse. Un album qui nous vient du Pérou. C'est pour ça que ça ressemble étrangement à Jethro Tull. Je plaisante. Et ces gens, ils sont pas si inconnus que ça, puisqu'ils ont déjà fait, tenez-vous bien, 6 albums studio. Voilà, un double album, puisqu'il y a un CD doublé d'un DVD, paru sur le label bien sympathique mexicain Azafrán. Azafrán, qui veut dire le safran, et qui est distribué en France par Moussea. On continue justement avec les productions de chez Azafrán, ce label donc mexicain, avec cette fois-ci un groupe espagnol, j'espère que vous suivez, Amarok, un titre, ça c'est le nom du groupe, et le titre de leur album, attention les yeux et les oreilles, Ayat Yolunda, ces gens aussi sont très connus, puisqu'ils ont fait déjà 8 albums studio. Voilà, le tout distribué, comme je disais tout à l'heure, par Moussea. Thank you. Dios de sí el cosmos expande y se contrae en mil galaxias más. Agujeros negros devoran todo a su paso, dejando la nada en su lugar. Planetas y soles se crean, naciendo y muriendo en un extraño ritual. Y la mujer sintiéndose todo se deja arrullar en paz. Allez, comme les fêtes ne sont pas très très loin, Acid Dragon et Prog à part vous offre une petite compilation de progressifs qui vous sera livrée chez vous. Il suffit d'appeler le 04 78 51 16 85 quand la musique aura commencé. 04 78 51 16 85, vous appelez maintenant. Thank you. dim dim ba di du dam dam di da di dam. Voilà, on se quitte sur l'album de Yann Poré Lindatar. Yann, le prénom, Poré, P-O-R-E-E, Lindatar, plus loin, Lindatar, L-I-N-D-A-T-A-R, un album intitulé « L'ultime attente ». Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi 1er janvier, ça ne s'invente pas, de 20h30 à 22h30 pour une nouvelle édition de Prog à part. L'édition de janvier que vous avez eu, j'espère, le plaisir d'écouter, eh bien, vous la retrouverez en podcast sur le site d'Acid Dragon courant de cette semaine en version HQ. N'oubliez pas qu'Acid Dragon est toujours disponible, numéro 66 consacré au rock progressif français. C'était Prodaka, Prog à part, une émission présentée, proposée, réalisée par votre humble serviteur Thierry Sportouche. Je vous pète la miaille et je vous dis tenez tati, à que la prochaine. Ciao, ciao.